بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. في الدرس الماضي كملنا الفصل، كنا فين الفصل؟ استعرتي أولا كم جابي كما ذكرنا في الدرس السابق une masala, j'aimerais qu'on fasse un tariq dessus. Lorsqu'on a parlé de Al-Fitra, on a dit, on avait parlé que Adam alayhi salam, avant l'arrivée de Nour alayhi salam, que les gens étaient sur la Fitra, il y a l'Fitra Tawhid. Et là, c'était une masala que j'avais déjà évoquée dans certains durus, je crois que c'est dans le Mabadi al-Mufida ou Allah Alam, j'ai oublié dans lequel, qui a. J'ai vu qu'il méritait une mise en attention. Une chose qu'on trouve dans la Oumma francophone, un terme qui est, pour ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient dans le Kufr, qui sont entrés en Islam, il y a eu un khilaf entre des gens qui disent, est-ce qu'on dit converti ou est-ce qu'on dit reconverti ? Quand même, est-ce qu'on dit que Foulen s'est converti ? Ou est-ce qu'on dit, est-ce que Foulen, c'est un reconverti? Voyez? Hadha mabni, ça c'est bâti sur un hadith que, yani, le Adami, il naît sur la fitra. Ala shi ma'loum. Founa uhibbe l'an kul, bab kalam, c'est une fatawa relative à cela, pour pouvoir rectifier cette expression qui est de reconverti, qui en réalité a fi anadhar. Ces gens, ils ont une compréhension dans la mas'ala, fi anadhar, qui ne revient pas au adillah. Comme a dit Allah Ta'ala, فَأَقِيمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَ فِلْتْرَةُ اللَّهِ أَلَّتِي فَتَرَى النَّاسُ عَلَيْهَا. Dans la parole Allah, dans le sens où il dit, et mets ton visage pour la religion hanif, toi tu sois un hanif quand tu fais cela, il y a une religion de Ibrahim alayhi salam, qui est la fitra d'Allah, la nature première, fitra, on traduit ça par nature première, c'est sur lesquelles a créé les gens. Et en tafsir de ce verset, il y a un hadith d'Abu Huraira, muttafaqun alayhi, anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qu'on allait, وكل مولود يولد على الفطرة فبواه يهودانه أو ينصرانه يمجسانه تمام يمجسانه c'est-à-dire que tout nouveau-né il est né sur la fitra nature première et que par la suite sont ses parents soit ils en font un nasrani un chrétien soit un yahoudi juif ou soit un majus Ibadun Nar, ce qu'il y a dans le feu. Donc, se basant sur cela, le ulama explique que la fitra ou le tawhid. Dans ce hadith, la fitra, c'est le tawhid. Quand même, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres hadiths, est venu. Haroktu ibadi hunafa. Il y en a qui sont sur la hanafiya. La fitra. Il y en a que l'enfant, lorsqu'il naît, il est d'une croyance saine. Il est prédisposé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, ce sont ses parents qui le dévient de la fitra. Quand même. Donc de là, des gens se sont dit quoi? Après avoir connu l'islam, parmi les koufars, sont rentrés en islam, et fadillahi ta'ala. On connaît comment on emploie le mot conversion. Ça va venir, on va en parler après, inshallah, dans le changement d'une religion. Et eux, ils ont dit quoi? Des gens ont dit, ben non, à la base, tu es né musulman. Comme ils disent, tu es né musulman. Donc en réalité, tu es revenu à ta religion de base. Donc tu t'es reconverti. Donc ils disent, ne dis pas converti. Ils disent, tu t'es reconverti, c'est-à-dire tu es revenu à ta religion de base. Amen. Donc le hadith et le verset, il n'y a pas à discuter, c'est kalam sahih. Mais la compréhension de ces gens-là, hadith et anadhar. Pourquoi? أولا في الإسلام il n'y a aucun texte à ma connaissance Et j'ai déjà demandé à certains machaires qui viennent avec ces termes de retour. Hormis que à l'islam, l'islam c'est une tawbah. L'islam c'est une tawbah. Tu fais tawbah du kufr du shirk. Pour revenir au tawhid, à l'istikama et à l'ibada. Tout comme celui qui fait un péché, il fait une tawbah, c'est un retour vers Allah. Il revient vers Allah, il regrette ce qu'il a fait. Donc à la wajh umum, c'est un retour, n'am. L'islam c'est un retour vers Allah. Quand même, mais nulle part je n'ai trouvé que l'islam c'est un retour à la fitra et qu'on emploie ce terme-là par la suite. La fitra elle est en toi, quand même, c'est pour ça que tu l'acceptes lorsque tu rentres en islam. Mais maintenant en arabe, dans les textes, dans les ahadiths, dans les adillah shal'iyya, j'ai pas trouvé ce terme de rujur ou de tajdid, de renouvellement. Tu as renouvelé ton islam. Car ce terme-là, on l'emploie pour les murtaddin, pour l'apostat, pas pour celui qui s'est soumis. Donc, d'où est-ce comme encore le Ta'ala, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Shahid, يدخلون في دين الله أفواجا. C'est-à-dire que tu vois les gens entrer en masse dans la religion d'Allah. Il ne dit pas revenir. Dans le Coran, il n'a pas dit revenir. Il a dit, il rentre en masse dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Ou vous qui avez cru, entrez. Et là le mot silm, quand même le mot silm, il a été expliqué comme étant l'islam. C'est-à-dire une solution totale. Et ne suivez pas les pas de Shaitan. Et Ibn Kathir, son tafsir, rahmallahu ta'ala, a rapporté des kalems de plusieurs mufassirines. Parmi eux, il y a Ibn Abbas, Mujahid, Taous, Ikrima, Qatada, Suddi. Ils disent Utrulu fi silm yani l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de rentrer en islam. Que ce soit pour le mu'min, et ce verset est valable également pour le kafir. Il n'a pas dit irji'u ila l'islam. Il a dit utrulu, c'est-à-dire tu rentres dedans. Et le terme en arabe, quand quelqu'un rentre en islam, on dit aslama yuslimo. Aslama yuslimo. C'est ça le verbe. Et le ism fa'il c'est muslim. Il se soumet. C'est une soumission. Car ça vient à ça. Les termes avec le signe, le lem et le mim viennent avec un terme de paix ou de une forme de soumission ou de, comme on dit, de capitulation. Mathalan, quand tu dis Sallamtu hadha lak, c'est une chose, je te l'ai livré, je te l'ai donné. Elle t'a été soumise. Quand on dit Istaslama al-adou, que le adou s'est rendu. C'est-à-dire, il s'est soumis à son adversaire, je me rends. Istaslama. Tassalama, on l'exprime dans le ta'bir. C'est récupérer une chose. C'est-à-dire, la chose après t'appartient. Donc, tous les termes viennent à ça, le fait, c'est une forme de soumission. Et l'islam, ou l'islam? L'islam, ou l'istislam ou l'illah, bi tawhid, ou l'inqiyad ou bi ta'ah, ou l'barat ou l'échec ou ahli. C'est le fait de se soumettre à Allah par le tawhid. Et l'istislam, c'est-à-dire, tu te soumets. Ada ou l'islam? Quand même, c'est pas un retour, c'est une soumission. Tu te soumets à l'Asma. Et en termes arabes, on dit aslama. Fulen aslama. Il s'est soumis à l'Asma. Le mot convertir en réalité n'existe pas. Maintenant, nous, on sait qu'en français, l'approximatif, c'est ça. Quand même. Mais là où il y a l'erreur, c'est quoi l'erreur? C'est que le mot convertir en réalité, en français, il a d'autres connotations. Car la conversion n'est pas qu'en islam. Quelqu'un peut s'être converti au judaïsme, au christianisme, au bouddhisme, ou à kaza, ou à kaza, ou à kaza, adian. Alors qu'en islam, le mot aslama, c'est que l'islam. Il n'y a pas de. Foulen takul, foulen aslama. Khala, c'est que les musulmans, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre explication. Donc le mot conversion pour aslama, il ne convient pas vraiment. Même dans les kamous, dans le dictionnaire, le converti, ils appellent murtadi, qui était guidé. Ils disent murtadi. En vrai, murtadi, même les musulmans qui sont le stikama, c'est un murtadi. Donc même le terme muhtadi dans le dictionnaire, il n'est pas clair. Tout musulman Tamam. On dit quoi dans Al-Fatiha? Ihdina as-sirat al-mustaqim. On demande à Allah qu'il nous guide sur le chemin droit. On est déjà musulman. Donc comment on va dire je suis muhtadi? C'est à la base, l'hidayah, tu l'as dans le kufr pour l'islam, et tu l'as même dans l'islam quand tu es sur l'istiqama, et tu es sur la sunnah, mesalam. Tamam? Hada. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yas'al hada. Allahumma as'aluka al-ina wal-huda wal-tuqa wal-ifaf. Il demandait ces choses-là. Il demandait la richesse, c'est-à-dire du cœur. Tamam? Al-tuqa, c'est la taqwa. Al-huda, la guidée. Il n'était pas musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam. Imam al-mu'minin. Voyez? Et al-ifaf, c'est la suffisance. Qu'est-ce que tu as, te suffit, te convient. Et en arabe, en réalité, le mot conversion, ce serait plutôt tahawwala. Tahawwala. Tout comme tu convertis une monnaie vers une autre monnaie. De l'euro au dollar. Du dollar à dunay. Du dunay au riyal, au dirham, à idhalika. Tamam? C'est tahawwala. On n'a jamais entendu quelqu'un dire tahawwaltu minel. Min nasraniya ila l'islam. Ça n'existe pas. Peut-être chez des gens aujourd'hui qui vont le dire, mais dans les nusus shari'a, il n'y a pas. Tahawwalt. Il n'y a pas tahawwalt. C'est aslama. Il y a différents dialectes qui sont venus. قال النبي قال الله عز وجل عن من عن مالكة سبا عند سبا سليمان قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Donc elle a bien dit, j'ai été injuste envers moi-même. Par quoi? Par le shirk qu'elle faisait avant en adorant le soleil. Elle a découvert l'islam par le biais de Suleyman alayhi salam. Elle a dit aslamtu ma Suleyman lillahi rabbil alamin. Elle n'a pas dit tahawwalt. Vous voyez, il n'y a pas tahawwalt. Et là, elle n'a pas dit raja'tu ila al-fitra. Je me suis reconverti. Ce n'est pas venu ce terme-là. Vous voyez, il y a d'autres hadiths qui sont venus. Parmi eux, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yakul al-yahoud, il leur disait aslimu tuslimu. Soumettez-vous, vous serez épargnés. Il ne disait pas revenez, reconvertissez-vous. Il disait soumettez-vous. Aslimu tuslimu. فهمت؟ كذلك عبد الله بن سلام celui qui était un yahoud qui rentre en islam parlait dans le comme ça l'avait dans le hadith muttafaqun alayhi, c'était parmi les ulama des yahoud. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi avant que d'annoncer cela aux yahoud? Il leur a dit ara'aytum in aslama abdullah. Il a dit que feriez-vous si abdullah se soumettait? Il n'a pas dit il a s'il se reconvertissait, il a dit aslama. Il se soumettait. Ils ont dit quoi? Hachak Allah, ils ont dit jamais. On ne pourra pas faire. C'est le meilleur entre nous, c'est le meilleur de nos pères, c'est le meilleur de nos frères, de nos fils. Kaza, ils ont fait son éloge. Kharaja Abdullah, qu'on allait ashadu Allah ilaha illallah, ou ashadu anna Muhammad Rasulullah. Il a fait l'attestation. Ils ont dit lui, Ada, c'est le pire de tous celui-là. C'est le plus grand des traîtres, c'est le plus grand des menteurs, c'est. Et Abdullah, il a dit au Nabi sallam, je les connais, ils allaient faire ça. Quand je t'ai avec eux, t'es le meilleur. T'es contre eux, ou t'es plus avec eux, t'es le pire. Il n'y a pas de adl. Le shahid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, ara'aytum in ou idha aslama abdallah. Il n'a pas dit reconverti. Il a dit se soumettre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Hiracle, qui était le chef des Roms à l'époque, qu'est-ce qu'il lui a dit dans la lettre? Il a dit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammad abdillah, من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. La paix pour celui qui suit la guidée. C'est ça qu'on dit au kafir. On dit pas salam alaykum. On dit salam ala man ittaba al huda. Comme l'a dit également Moussa à la Pharaon. Après il a dit quoi? Il a dit amma ba'd. Dans sa lettre. Fa inni ad'uka bi da'ayati al-islam. Aslim tuslim. Je t'appelle à la paix de l'islam. Soumets-toi, tu seras épargné. Il n'a pas dit reconvertis-toi. Il lui a dit aslim, tuslim. Le verbe aslama. C'est ça qu'on pourrait comme terme. Donc ce mot reconverti, comment il l'emploie? Parce qu'ils débattent là-dessus, il n'y a même pas lieu de débattre. Parce que ce mot-là, à la base, dans l'islam, on ne le connaît pas. Et même le mot converti, il fait une erreur, comme on l'a expliqué. C'est à la base, c'est aslama, c'est se soumettre. Maintenant, quand ils disent converti, ça veut dire quelqu'un qui n'était pas musulman, qui n'est pas musulman, et après qu'il est devenu musulman. On dit naam. Mais les sahaba, la plupart d'entre eux n'étaient pas des musulmans avant que l'islam ne vienne. Est-ce qu'on dit c'est des convertis? On dit c'est des musulmans, c'est terminé. Donc pourquoi les gens aujourd'hui auront un nouveau jugement par rapport à ça? C'est des choses qu'il faut qu'on fasse attention. Même moi le premier, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, quand tu décris quelqu'un une fois comme ça, tu dis c'est un converti pour faire comprendre que ce n'était pas un musulman. C'était un Nasrani, c'était un Yahoudi, c'était un Bouddhiste, c'était ce que tu veux. Voyez, tu dis c'est converti, c'est ce que tu as voulu dire par là. Mais maintenant, comme je l'expliquais la dernière fois, c'est devenu une étiquette. T'es un converti à vie. Tu dis ouais, Mohamed, le français converti. Ouais, Mohamed, le japonais converti. Ou Ibrahim, le thaïlandais converti. Ou Foulen, l'haïtien converti. On dit le musulman. Voilà, c'est déjà quand tu dis à la base français, tu dis que c'est un français musulman, on s'imagine que c'est quelqu'un qui n'était pas musulman à la base. Qu'à la base, le français, c'est pas. L'islam, c'est pas la religion de la France. Tu vois? Donc, à la base, on s'imagine déjà que c'est quelqu'un qui n'était pas né musulman. Tu me dis un tel, le thaïlandais, dans ma tête, en premier lieu, je me dis que ça ne veut pas être un musulman. Al-Muhim, si pour décrire la personne, tu dis une fois, la baisse. Mais aujourd'hui, c'est devenu une étiquette. Tu t'es, Masalen, soumis, tu avais 17 ans. Quand même? Des gens n'étaient même pas nés encore. Les musulmans ne sont même pas encore nés. Tu arrives à l'âge de 50 ans, t'es musulman toujours, on dit que t'es un converti. Tu dis, j'étais dans l'islam, t'étais même pas encore né. Ça y est, je suis musulman. Tu sais, converti, jusqu'à quand je vais avoir converti. Dans l'islam, on n'a pas de dalil sur ces expressions-là. Sinon, les sahabas, ils auraient eu droit avant nous. Les gens, les salafs, toutes les contrées qu'ils ont conquis, les terres de Ajim, des gens qui n'étaient pas des arabes, qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil. Après, c'est des musulmans. Maintenant, comme on dit la baisse, quand tu cites l'histoire de quelqu'un, tu dis, Foulen, il s'est soumis, il s'est converti. Mais Babel, elle est rebar. Ama Babel, waf. Elle, sirkbik, c'est une étiquette qu'on te colle tout le temps. Ça, fi nazar. Dans la religion, à la base, il n'y a pas d'origine là-dessus. Quand même, il n'y a pas d'origine là-dessus. Les Sahaba, la plus grande des preuves, des musulmans. On ne disait pas des convertis. Quelqu'un dit, Omar, c'est le converti? Est-ce qu'on dit Boubacar Seddik le converti? Est-ce qu'on dit Hoffman le converti? Certains d'entre eux sont nés musulmans. Et certains étaient petits. Quand même? Tayyib. Donc là, maintenant pour revenir à ça, le fait, eux ils disent qu'en fait, tu as renouvelé ton islam. T'as dit l'islam. Ton islam, tu l'as renouvelé. Donc tu t'es reconverti. Tu es revenu, à la base tu es musulman. C'est vrai, tu es sur le tawhid. Maintenant, tu t'es converti, en fait, tu es revenu à ta religion de base. Donc, on lui dit, Tayyib, si je suis revenu à ma religion de base, c'est que j'ai apostasié à un moment. Et on sait que l'enfant, il n'est pas mukallaf. Il n'est pas sous les charges de la religion. Donc, on dit, j'ai apostasié. Mais quand j'ai apostasié? À quel moment j'ai apostasié? À quel moment on peut dire, j'ai été musulman, je ne suis plus devenu? À 3 mois? À 1 an? À 6 ans? Quand je suis sorti de l'islam? À quel moment? Tayyib, à quel moment? Donc là, on va lire une fatwa de Cheikh Taqi al-Din dans Durul Sinniya par rapport à ça. Il dit, Souel, attends, je retrouve la bonne page. Tayyib, c'est la fin. Yakul, dans la masala de l'héritage par rapport au kuffar, il dit, Amma kouluk wa aydan zakar al-fukaha an al-murted la yarif. فكفار أهل زماننا فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون أم حكمهم حكم عبادة الأوثان وأنهم مشركون. Donc il dit que يعني les fouqaha, les gens du fiqh, ont bien cité que le murtad, celui qui était musulman qui sortait de l'islam, il n'hérite pas. On n'hérite pas de lui, il n'hérite pas des musulmans, de ses proches. Donc après, il dit, est-ce que maintenant les koufars de notre époque, là, maintenant, là, est-ce que ce sont des apostats? Ou alors, leur jugement, le jugement des adorateurs d'idoles, de Mouchelikoun? Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Parce que, par rapport à ce hadith-là, ils sont nés sur la fitra. Donc, est-ce qu'on dit, ils ont apostasié? Ou alors, on les considère comme des gens, depuis le début, c'est des koufars, tu vois? Non. Fakol, nakul, amma man dakhala minhum fi din l'islam, sumartad, fahaoula murtaddun. Wa amruhum indaka wadih. Donc ceux qui, d'entre eux, sont rentrés, regarde, quand on dit Dakhal al-Islam, il n'a pas dit Raja al-Islam, qui sont rentrés dans la région de l'Islam, qui, par la suite, ont apostasié, ceux-là sont eux les apostats. Murtad. C'est lui. Celui qui est rentré en islam, et qui en est ressorti. ثم قال اما من لم يدخل في دين الاسلام بل ادركته الدعوه الاسلاميه وهو على كفره كعبره الاوثان فحكمه حكم الكافر الاصلي quant à celui qui n'est pas entré en islam et qui a entendu donc la da'wa de l'appel de l'islam lui parvenu et qui est resté sous son kufr, lui c'est comme les adorateurs de l'idole d'aufan. Son hukm, c'est le hukm du kafir d'origine. C'est un kafir d'origine, de base. قال لينا لا نقول الأصل الأصل إسلامهم والكفر تارئون عليهم بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا أباءهم على الشرك بالله كأبائهم كما دل عليه الحديث الصحيح الحديث أبي هريرة. On est au début. Il dit فإن دين أبائهم الشرك بالله فنشأ هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئون بل نقول هم الكفار الأصليون. Donc il dit maintenant, on ne dit pas que la base de ces gens-là c'est l'islam et que le kufr est rentré par la suite. Il dit non, ces gens-là ont évolué, ont grandi dans le kufr, donc on les apparente à leur père. C'est un kafir. Quand même, le petit, l'aîné Nasrani, c'est un Nasrani, c'est un chrétien. On ne dit pas, cet enfant-là, son père c'est un Nasrani, sa mère c'est un Nasrani, on dit non mais lui c'est un musulman. Non, non, c'est un Nasrani. Ou l'autre, c'est un petit, il a 2 ans, on dit son père c'est un Yahoudi, et sa mère c'est je ne sais quoi. On va dire, oh, non, non, c'est un Yahoudi, c'est un musulman, le petit ses parents c'est des koufars. Non, non, le petit c'est un kafir aussi. Amen. On le met avec ses parents. Après, il y a une masala qui est venue, le khilaf, les enfants, lorsqu'ils meurent en bas âge, où est-ce qu'ils sont? Il y a un khilaf. Amen. Et le kalem qui paraît comme étant le plus, comme moi qui me paraît le plus juste, c'est qu'ils sont au Jannah. Il y a un autre kalem qui dit, non, ils font partie des gens de la fitra. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas reçu le message. Car il y a un hadith qui est venu, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Lorsqu'il est interrogé par rapport, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux enfants des koufars. Il a dit, Allah est plus savant de ce qu'ils auraient fait. C'est-à-dire que Yom al-Qiyama, ils seront insultés, ils seront éprouvés. Il y aura une épreuve. Celui qui passera l'épreuve, ça veut dire qu'il aura accepté l'islam dans la dunya. Il rentrera au Jannah. Celui qui ne passe pas l'épreuve, il ira au feu. Et certains ont dit que les enfants seront avec ces gens-là. Et d'autres ont dit que les enfants des koufars seront les serviteurs des musulmans fil Jannah. Il y a des akwal. Là n'est pas le sujet. Al-Muhim, l'enfant qui naît avec les koufars, c'est un kafir. On ne dit pas c'est un musulman. On ne dit pas c'est un musulman. Même s'il est sur la fitra. Khas, le mec, ses parents. Donc, il dit ces gens-là, ce sont des koufars osliyoun. On ne dit pas c'était des musulmans, après ils sont devenus koufars. Non, on dit ils sont des koufars. Leur hukm, c'est le kufr, le bidaya. Donc, même si on devait aujourd'hui employer le terme de tajdid d'islam, ce serait pour qui? Pour le murtad. Pas pour celui qui se convertit. Pas pour celui qui rentre en islam, alors qu'il est baalir, qu'il est grand. Non. Lui, khalas, c'est. Il est nouveau en islam. Même dans les hadiths, c'est venu Haoula Hudatha Bilhad al-Islam. Ils sont nouveaux en islam. Les sahaba, lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accrocher les armes à Zat al-Anwat. Dans le hadith, il a dit Oum Hudatha al-Had al-Kufr. C'est-à-dire qu'ils sont nouveaux en islam. Il n'a pas dit qu'ils sont revenus, ils sont reconvertis. Le terme n'est pas venu. Après, une fatwa là de Lejna Daima. Souilou. هل الدين الذي يولد عليه الإنسان هو الدين الحق؟ Il dit, est-ce que la religion sur laquelle naît la personne, c'est la religion de vérité? Ça, c'est la Lajna Daima, sous la présidence de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et de Bakr Abu Zayd, et de Al-Fawzan, et de Al-Radayan. Al-Jawab, قال الإنسان يولد على فترة التوحيد. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم, كل مولد يولد على فترة. Donc il a dit, à la base, la personne naît sur la fitra du tawhid. La nature première du tawhid. Comme le prouve le hadith de Abu Huraira qu'on a cité au début. قال ولكن هذه الفطرة لا تكفي لمعرفة تفاصيل التوحيد وكيفية عبارة الله عز وجل بل لابد من التعلم والتفقه في الدين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته لأنه Donc ils disent qu'il est. Cependant, cette fitra ne suffit pas pour connaître tous les tafasils, les points détaillés dans le tawhid. Elle ne suffit pas. De savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne suffit pas. Il est obligatoire d'apprendre et de comprendre la religion et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de lui obéir. لأنه المبلغ عن ربي سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه العباد ما يحتاج إليه العباد من تفاصيل أمور دينهم وعبادتهم فبذلك يكون المسلم قد عرف العبادة التي خلق من أجلها المذكورة في كل عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc il dit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est retransmet de son Seigneur. Voyez, ce dont les serviteurs ont besoin de connaître dans leur religion, les choses tafsiliyah dans leur religion qu'ils ont besoin de connaître. C'est pour cela que le muslim ne devient muslim que lorsqu'il sait cela. Comment adorer Allah? Le fait de reconnaître Allah comme son Seigneur et de savoir qu'il est seul à mériter l'adoration, c'est un point, c'est la fitra. Mais par la suite, il faut qu'il agisse, qu'il sache comment faire. Et de là, il sera un muslim vraiment à part entière, comme on dit. Comme dans le verset où Allah dit, dans le sens, je l'ai créé les djinns et les hommes que pour qui m'adore. ثم في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال الفطرة مكملة بالشريعة المنزلة فإن الفطرة تعلم الأمر مجملة والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا يستقيل الفطرة به وما لا تستقيل الفطرة به مجموع الفتاوى il dit que la fitra elle se complète par la sharia, la révélation. Car la fitra ne t'apporte que des choses générales. C'est-à-dire une connaissance par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Même, alors que la sharia t'apporte des tafasils, les détails. Et t'éclaircit comment faire les choses. Ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Ce qui est bon à comprendre et ce qui est mauvais et qui est à délaisser. Et la fitra témoigne de cette sharia. Elle l'affirme, elle la confirme et elle l'approuve. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال والإسلام وتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم فإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل في الكتاب طريق الهجرتين. Donc il dit l'islam c'est quoi? C'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration. Seul, sans associé. Et la foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam et le suivi. Et suivre ce avec quoi il est venu. Et tant que le abd ne vient pas avec ces choses-là, ce n'est pas un musulman. Vous voyez? Et si jamais il n'est pas un kafir mu'anid, c'est-à-dire obstiné, c'est-à-dire qui a entendu, qui délaisse, alors il sera un kafir jahil, comme la plupart des kuffars aujourd'hui, on l'a pris la dernière fois. Ceux qui sont dans leur mode de vie, c'est les kuffars, juhel, ils savent pas. Mais c'est le kuffar. On ne dit pas, on ne sait pas, c'est quoi. Mais ce qu'il ne sait pas, il n'a pas eu la vérité. On dit non, c'est un kafir. Maintenant, s'il n'a pas eu la da'wa, comme des gens qui vivent dans des contrées éloignées, ils n'ont pas eu la da'wa, quand même, ils ne connaissent rien de l'islam, rien du tout. Et ils meurent. Vous voyez, ils meurent. C'est quoi le sens de ces gens-là? Nous, fi dunya, nous amiluhum mu'amalat al-kuffar. C'est un kafir. Mais, naqul, yom al-qiyamah, leur affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va les éprouver. Hum, al-fitra. Comme l'expliqué. Celui qui n'a pas reçu le message de l'islam, c'est un kafir. On ne dit pas, on ne sait pas. On dit, si, on sait. C'est un kafir, fi dunya. On me fait, akhira, c'est Allah qui sait. Le sort qui l'attend. Et de là, Cheikh El Fawzen, une fatwa qu'on a mis sur le site, là, on va la relire. Qal, à la fin du kitab, n'invoquait de l'islam, dans les questions qu'il y avait à la fin du livre. السؤال أثابكم الله هل الفطرة حجة على من كفر؟ Est-ce que la fitra c'est un argument pour les kuffars pour dire t'as la fitra donc ça suffit pour que tu sois l'argument tu sois parvenu la preuve t'es parvenu. Il dit الجواب الحجة بإرسال الرسل أما الفطرة وحدها فلا تكفي حجة. Il dit c'est quoi l'argument? C'est l'envoi des messagers. أما la fitra seule elle ne suffit pas comme حجة. Il dit ولو كانت الفطرة حجة ما أرسل الله الرسل. Si la fitra est un argument, il n'y aura pas besoin que Allah envoie les messagers. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Dans le sens où Allah a dit, des messagers, c'est-à-dire qu'on a envoyé, annonciateurs et avertisseurs, pour qu'il n'y ait pas d'arguments sur les gens contre Allah après l'envoi des messagers. Donc les messagers sont venus pour ça. قال لا تعرف الواجبات والمحرمات والمكروهات هذا ما يبينه يبينه إلى الرسل. Donc tout ce qui est comme les obligations, les choses interdites, les choses détestables ou recommandées, seuls les messagers les ont éclaircies et les ont enseignés. لكن الفطرة تربة صالحة للخير ولكنها لا تكفي. Mais cette fitra, elle est une bonne base pour le bien, pour pouvoir justement recevoir et accepter ce message. C'est-à-dire, tu es prédisposé normalement à accepter cela lorsque cela te vient. Il dit, cependant, il ne suffit pas. Et là, c'est la shahid. Le shahid, il dit, لو عاش الإنسان عليها ولم يتعلم ولم يعمل شيئا فإنها لا تكفي. Que si la personne vivait sur la fitra, sans apprendre et sans œuvrer, elle ne suffirait pas pour faire de lui un musulman. Donc la fitra que tu as en toi et sur laquelle tu es né, ne suffit pas de faire de toi un musulman à part entière par la suite. C'est après, en connaissant ta force de l'islam. Donc quelqu'un dit, je me suis reconverti. On dit ta fitra n'a pas fait de toi un musulman qui a fait les deux shahada et qui est musulman à part entière. Juste, tu avais le tawhid en toi, prédisposé à recevoir le message par la suite. Mais à la, en réalité, tu es né sur la fitra, mais tu étais un kafir. Donc c'est quoi le shahid de tout cela? Que le fait de dire reconverti, tout le débat autour de cela, il sert à rien du tout. Est-ce qu'on dit converti ou reconverti, ça sert à rien. Parce que reconverti, ce terme-là, comme on l'a employé, il n'a pas d'origine en religion. Le mot conversion non plus. En vrai, on a dit c'est aslam, soumettre tout court. Donc si jamais convertir lui-même n'est pas un terme, on va dire, pris de la sharia, alors reconverti, mais même pas, il a plus forte raison. Maintenant, comme on l'a expliqué, on sait que dans le urf, chez nous, on sait ce qu'on veut dire par converti. Quelqu'un qui n'était pas musulman et qui l'est devenu par la suite. Donc là, on ne va pas dire quelqu'un dit pas ça, c'est haram sur toi. Non, on dit, c'est pas ça qu'on dit. Tu parles avec ta langue en français, c'est la langue, c'est le terme que tu emploies. Mais maintenant, te mettre une croyance, quand même, que le mot converti, c'est devenu une étiquette qu'on te colle, ou alors de dire que tu t'es reconverti, c'est-à-dire en fait je suis musulman, je suis revenu à ma religion, parce que j'ai apostasié. On va dire quand t'as apostasié. Si jamais tu as apostasié, on te tue. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dina faqtulhu. Celui qui change sa religion, on le tue. Donc on dit, si t'es apostasié, c'est la peine de mort. Maintenant, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un, voyez, qui est né chez les koufars? Il est arrivé, il est devenu baligh à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et les musulmans lui disent, soit tu te soumets, soit on te tue. Soit tu fais tauba de ta ridda, ou on te tue. Il va dire, hein? Il va pas comprendre. Il va dire, de quoi vous me parlez là? Parce qu'il sait pas. C'est pas marcoul de dire ça. Donc c'est quoi à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu lui fais da'wa. Tu l'appelles à l'islam. S'il accepte, أصبح من إخواننا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Si ils font, se repentent, il n'a pas dit s'ils reviennent dans ce moment-là sur le tawbah. Il n'a pas dit s'ils reviennent. Il dit فإن تابوا, ils font tawbah, وأقاموا الصلاة, ils font la salat, وآتوا الزكاة, ce qui est de la zakat, فإخوانكم في الدين, ils deviennent alors vos frères en religion. Il n'a pas dit redeviennent vos frères en religion. Donc, ces termes-là, ils n'ont pas d'origine. Donc, les gens, quand ils discutent de ce sujet-là, la philosophie, il faut la mettre de côté. Et la logique que tu crois qu'est une logique, mais là, de ton côté, il revient au texte. Si tu ne sais pas, demande au ulama. Pas n'importe qui comme ça qui vient, qui parle. Demande aux gens de science. Au vrai. Même moi, avant de parler de ça, j'ai demandé à des machères. Si la compréhension était vraie, ils m'ont dit non. J'ai demandé à Cheikh Abdelrakib, j'avais demandé à d'autres machères, là, à ce moment, j'ai plus en tête, plusieurs fois, ce que je me disais, ça se trouve, c'est moi qui m'en ai compris. Il disait non, c'est pas un tajdid de ton islam que t'as fait. C'est un dukhul, awal dukhul. Vous voyez, c'est un awal dukhul. Donc je leur expliquais qu'en islam on dit pas, eux disent aslam tu bijadid. Il dit non, on dit pas ça. On dit ça pour murtad. Si on devait traduire leur terme, reconverti, on dirait aslam tu bijadid. Ça n'existe pas, ça, à part pour murtad. Alors, فهمتوا من المسألة؟ طيب un tanbih, ça fait longtemps que je voulais en parler. Là est venue l'occasion quand j'ai lu la parole de Cheikh Al-Abbad par rapport à Nuh, Al-Fitra, ou à Kaza. فاليوم الدرس هذا يتصل سلمون نكتفي بهذا والحمد لله استفدنا فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك